Micro ouvert. Donc on arrête, c'est ça? Bah, ouais, c'est mieux, non? Lola? Est-ce que tu veux bien qu'on reste amis? Ouais. Et confiance, crois en moi. Que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa, fais un son sans méfiance. Je suis là et confiance. Le propice, te berce, souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices tentatrices. Tu dors, petit? Oui. Aie confiance, oui, crois en moi. Je puisse veiller sur toi. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Métropole et mobilité sont devenues des évidences chargées de valeurs positives qui ne semblent aucunement remises en question. Elles sont injonctions faites aux villes comme aux individus. Cependant, à l'heure des crises immobilières, du redécoupage du territoire par la pensée métropolitaine, nombreux sont ceux poussés à subir, à inventer, construire ou pratiquer des urbanités mobiles et provisoires. C'est une autre ville, mobile et inquiète, tour à tour pourchassée, condamnée, utilisée ou imitée par les institutions. En voici les légendes, des deux côtés d'un mur invisible qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule, Marcochina, Marcochina. Ces urbanités ne sont pas hors le monde, hors la ville, retranchées, mais participent d'un jeu d'échange, de valeurs et d'interconnexion avec les urbanités sédentaires. Contraire de fille du vent, ces urbanités ne sont pas hors sol et nécessitent des lieux, des poches, des enclaves, nomades. Besoin de dire quelques mots pour que vous compreniez bien la suite. On va entendre alors Stany Cambotte, qui a créé Échelle Inconnue, qui est un collectif d'architectes, géographes, artistes. Échelle Inconnue, c'est à la fois un groupe de recherche et de création, un centre de formation aux questions urbaines, numériques et artistiques, une maison d'édition, une structure de production de films, un espace d'exposition. Et dans cette idée aussi d'échelle inconnue, eh bien, il y a là, comment ça s'appelle? C'est compliqué à dire un peu. Macnofchina. Et donc, c'est un projet de échelle inconnue depuis 1998 et qui met en place des travaux et expériences artistiques autour de la ville et du territoire. Ces expériences en long cours interrogent et associent les exclus du plan sans-abri, ziganes, immigrés. Elles donnent lieu à des interventions dans l'espace public, expositions, sites internet, vidéos, affiches, cartes, publications. Ce dont il est question ici, c'est de l'invisible de nos villes. Et dans ce cadre-là, Stany Cambotte développe l'analyse de la vidéosurveillance à Rouen, en France. C'est assez court, c'est pas très long et c'est dommage parce que ça pose plein de questions tout ça. Et ben voilà, mais faites vos recherches sur le net, vous en saurez d'office un peu plus. Et puis dans un second temps, on va entendre Arnaud Lemarchand qui est maître de conférence en sciences économiques à l'Université du Havre. J'espère que, oui, je sais que Arnaud donne toujours cours, j'espère que je cite les bonnes références, que c'est toujours bien à l'Université du Havre. Je lis aussi qu'il collabore à la revue Multitude et membre de l'équipe éditoriale du réseau scientifique Terra. Ses recherches portent sur l'économie du travail et l'économie urbaine dans la mondialisation, ainsi que sur l'économie portuaire. Vous allez entendre aussi qu'on parle de HALEM. Donc c'est HALEM, c'est Habitat Léger Éphémère ou Mobile, et Mobile. Et bien souvent, Échelle Inconnue, Arnaud Lemarchand et HALEM se mettent ensemble pour créer des situations où les gens se rencontrent. Et là, évidemment, c'était cet été, c'était fin de l'été, vraiment, tout à la fin. Et c'était une rencontre à Rouen. Voilà, je pense qu'en disant ces petites choses, je ne complique pas plus les données. Et vous allez comprendre ce qui se dit. Alors, je ne sais pas non plus, j'ai oublié de le dire, je pense que Arnaud Lemarchand, il réfléchit à pourquoi l'habitat mobile se développe et comment ça se fait que le capitalisme s'intéresse à cette mobilité. Et aussi, il nous parle des smart cities. Des smart cities. Vous savez, on dit en français, ces villes intelligentes. Ça construit une nouvelle ville et de quelle manière ça opère. Là, juste sur le territoire rouennais, vous montrer en quoi, en tout cas, la technologie, et en particulier la technologie Internet et les outils numériques, dessinent quelque chose de l'espace et nous permettent d'entendre ce que la ville est en train de devenir. Donc encore une fois, ce travail-là, donc Fiche 16, qui a été fait en 2008, était un travail assez simple. Donc il y avait beaucoup de débats autour de la vidéosurveillance, on est tous surveillés, la crainte de Big Brother, ce genre de choses, et on a juste décidé de faire un inventaire très simple, c'est-à-dire voir ce que ça signifiait à l'échelle d'une ville, et aller repérer l'ensemble des caméras de vidéosurveillance installées dans une ville. Donc ça, on l'a fait sur Rouen, donc là c'est la carte de Rouen. Alors nous, on est là, tout en bas, on a la pointe de l'île Lacroix, nous on est à l'autre bout de l'île, et donc ça, c'est le centre-ville rive droite. Au total, on a dénombré, enfin Christophe en particulier qui a beaucoup marché pour les dénombrer, on a dénombré 180 à peu près caméras de vidéosurveillance en 2008. Et on a fait l'effort aussi, parce qu'on a toujours cette idée un peu bizarre, selon nous maintenant en tout cas, d'associer la vidéosurveillance aux forces de l'ordre et à la police, de noter toutes les caméras de vidéosurveillance. Donc vous voyez en jaune, les points jaunes sur la carte qui sont les caméras de surveillance installées par la municipalité ou la police municipale ou la police nationale. Et vous voyez en rouge l'ensemble des caméras privées qu'on a pu relever. Alors ces caméras sont uniquement des caméras qui filment l'espace public. On n'a pas relevé les caméras qui filmaient l'intérieur des magasins. C'est-à-dire l'endroit où il y a litige, où on peut se poser la question. Grosso modo, donc là, si vous voyez la couverture, Rouen, centre-ville, c'est impossible de traverser la ville sans être filmé à un moment donné. Et si vous regardez, alors je ne sais pas si l'image est assez claire là, sur certaines zones, là, on a marqué aussi les faisceaux. Parce que c'est ça qui nous intéressait beaucoup, c'était voir ce que la caméra filmait. Exactement de l'espace public. Et ça, c'est ça qui est intéressant en définitive. Enfin, bon, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes dans l'analyse de la vidéosurveillance. C'est de se dire que, donc voilà, l'essentiel des caméras ne sont pas des caméras publiques, sont des caméras privées. On a eu des débats avec des militants à savoir est-ce qu'il fallait, donc il y a la première idée qui est cassée, la seconde qui est plus légaliste, qui est d'aller dénoncer toutes les caméras privées qui filment l'espace public sans autorisation. Rapidement, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas très opérant parce que les dénoncer, ça signifiait les déclarer et qu'elles pouvaient être ensuite utilisées par les forces de l'ordre à des fins d'enquête. Nous, on s'est davantage concentré à savoir qu'est-ce que ça veut dire, cet espace de la vidéosurveillance. Et quand on regarde le faisceau que s'octroie la caméra privée, on voit de quelle manière elle mord sur l'espace public et de quelle manière, en définitive, la caméra de vidéosurveillance de la banque fait déborder sur l'espace public l'espace de la banque. Quand je dis l'espace de la banque, c'est l'espace de la banque, son règlement intérieur et le comportement admis dans une banque. C'est la même chose pour la vidéosurveillance dans le métro, la vidéosurveillance dans les supermarchés. Et donc ces petits faisceaux-là, Alors, je sais pas si on les voit mieux sur cette carte-là. Non. Alors donc oui, on faisait aussi des photos détaillées du modèle de caméra et voir ce que ça filmait. Et donc ce faisceau dessine en effet l'empreinte d'un règlement intérieur qui vient déborder sur l'espace public. Et donc ça démonte un peu, en tout cas, l'utopie de départ, qui serait qu'en effet, on serait encore dans un territoire à la papa, avec l'État, le territoire administré par l'État, et le règlement intérieur de nos territoires, qui est la loi républicaine, qui serait appliquée par la police, puisqu'on voit qu'on va traverser, en définitive, quand on traverse la ville, on va traverser plein de prismes qui appartiennent à différentes institutions. Et le bon comportement urbain aujourd'hui, c'est pas seulement celui qui correspond à une acceptation, une adéquation au comportement que la loi exige, mais aussi une acceptation, une adéquation de notre comportement à l'ensemble des règlements intérieurs qu'on va traverser. C'est-à-dire qu'un bon urbain aujourd'hui est quelqu'un qui est capable de s'adapter très naturellement, sans même le penser, d'abord au règlement intérieur du métro, puis au règlement intérieur du supermarché, ensuite au règlement intérieur de la banque et de temps en temps au règlement intérieur national qui est la loi. Donc, et ça a beaucoup influencé notre travail, puisque l'analyse qu'on a fait des quais rive gauche et que Christophe vous a présenté hier, c'est celle-là. C'est se dire que, en définitive, on n'est plus du tout dans ces espaces homogènes comme on peut les imaginer, et qu'en effet, le travail légal, il est important, mais qu'aujourd'hui, on est dans des territoires qui sont complètement découpés entre plusieurs institutions, et que ici, c'est un exemple particulier. C'est-à-dire qu'on est ici en territoire municipal, un peu plus loin en territoire VNF, enfin, Voie Navigable de France. Si on va rive gauche, on va passer sur du territoire portuaire, un peu plus loin sur du territoire SNCF. Et que pour l'instant, ce jeu de la pluri-institution était plutôt garant de tranquillité pour les mobiles, puisque les institutions détestent le conflit. Et dans ces espaces-là, en grosso modo, ce qui expliquait les travelers, hein, quand ils étaient sur le territoire municipal et que les flics les emmerdaient un peu trop, ils se déplaçaient de 100 mètres, ils étaient sur le territoire du port autonome et ils négociaient différemment avec un autre règlement intérieur et une autre application des lois. Or, aujourd'hui, donc là, c'était un peu le thème là, de ces deux jours sur désinventer la Seine, le travail métropolitain, le grand projet métropolitain et le travail de reconquête des quais, entre autres, c'est arriver à annuler ces espaces, non pas annuler l'espace pluri-institutionnel, mais reconstruire quelque chose d'homogène qui permettrait de faire du projet urbain continu, comme on le voit sur les quais rive gauche, et par là même, dégager et... Voilà, l'espace pluri-institutionnel n'est plus du tout garant, en définitive, de la relative tranquillité que certains pouvaient y trouver. Et donc ça, on voit vraiment que l'ensemble des technologies, la vidéosurveillance, mais aussi le smartphone, ce nouveau calque numérique qui plane sur la ville, est aussi une manière de redessiner la ville, de la replanifier d'une manière différente. Et il va falloir aussi qu'on adapte nos outils, très probablement dans les années à venir, à ce découpage qui devient de plus en plus... certes complexe, mais aussi qui a une force de cohérence avec ces outils-là. Donc après, je vais passer maintenant la parole à Arnaud, qui rentrera plus dans les détails de ce qu'est le projet et l'utopie de la Smart City, cette ville intelligente, connectée, et voir en quoi elle a une influence réelle sur la planification et sur les villes et sur les sujets qui nous occupent. Le rond rive droite, ça représente combien en kilomètres carrés ou en hectares? Je sais pas, de haut en bas de la carte, on doit avoir 3 km. Donc on est à peu près sur 3 sur 4. 188 caméras. Et les drones en plus. On a les drones en plus. Mais il doit passer son brevet ULM pour faire le repérage. Bon, alors, donc sur la blague habituelle quand j'interviens à LM, hein, c'est de rappeler que moi je suis censé être la voix du capital. Donc, l'idée, c'est d'expliquer aussi pourquoi l'habitat mobile, ça intéresse aussi, ça se développe, et que ça intéresse aussi certaines formes du capitalisme et de la smart cities, pour comprendre comment on peut s'insérer là-dedans et éventuellement le critiquer. Alors, voilà. Donc là, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo d'Amazon. Et voilà, et voilà. Alors, donc... hier, Stani nous a montré son... Alors, attends. Hier, Stani nous a montré... attendez, je veux juste... J'arrive pas à réarrêter. Stani nous a montré hier son... bon, vous l'avez vu repasser. Son Mac Novishna. En fait, là, c'est celui d'Amazon. Donc, il est là. Et ils ont leur bus aussi, Amazon comme par force. Hein. Donc, vous voyez, en fait, eux aussi font ça. Hein. Ils expliquent avec des petits machins. Et qui travaille, ben vous voyez, c'est plutôt des gens d'un certain âge, parce qu'en fait, Amazon recrute des saisonniers. Alors pourquoi Comfort Force? Parce qu'en fait, ils se préoccupent pas de leur logement, parce qu'ils sont dans des camping-cars, et en fait, ils viennent lors des pics d'activité qui sont à la fin de l'année, les 3 mois d'hiver, autour des entrepôts d'Amazon, et ils habitent là-dedans. Et en fait, souvent, ce sont des retraités. Alors, Amazon aime bien les retraités. Alors pourquoi? Parce que ces retraités, ils ont déjà souvent un camping-car. Aux États-Unis, en fait, il y a eu beaucoup de retraités qui ont perdu une grande partie de leurs revenus avec les faillites de fonds de pension. Et où il y a des retraités qui ont des retraites, mais qui sont payés, mais qui sont insuffisantes pour couvrir certains frais de santé. Donc, du coup, ils sont obligés de travailler d'un montage. Donc, ils vont travailler pour Amazon. Et c'est très bien parce que, comme c'est des retraités, ils n'ont pas de plan de carrière. Donc, ils ne vont pas embêter Amazon pour essayer de devenir permanent. Donc, en fait, c'est le retraité saisonnier. Finalement, c'est absolument parfait. Et Amazon a inventé ça. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a parlé déjà hein, dans Alem et dans d'autres choses. Des nomades du nucléaire, des gitans des abattoirs, des ouvriers en déplacement, des travailleurs détachés, des ouvriers en déplacement dans la production modulaire. Mais ça fait pas, c'est pas intégré dans la communication des entreprises. C'est plutôt quelque chose qu'elles dissimulent. Alors que là, Amazon, non, eux, ils y vont carrément. Hein, Amazon Comfort Force, eux, c'est clair. C'est la Macnopshida, mais version capitaliste. Hein, ils ont leur truc aussi. Et voilà. Et donc, ça y est. Quoi. Alors, vous pouvez trouver, hein, on n'a pas le temps, peut-être on la remettra, mais il y a une petite vidéo. On pourrait presque la croire, c'est en moins bien, mais c'est un peu comme une vidéo des chaînes inconnues. Hein. C'est des gens qui viennent et qui, en fait, interviewent des gens qui sont sur en fait, un énorme parking. On voit, il y a on ne sait pas combien il y en a, mais des dizaines et des dizaines de camping-cars, des énormes camping-cars américains, et qui, en fait, sont autour d'un entrepôt Amazon. Et ce sont des retraités ou des gens d'un certain âge qui ne sont pas encore retraités, mais qui explique comment c'est leur vie maintenant qu'ils sont Amazon Gypsies, hein, puisque c'est le terme qu'ils utilisent, hein, gitans d'Amazon, les Amazon Gypsies. Voilà. Alors c'est déjà, j'ai pas retrouvé l'article, mais on a fait mention déjà de leur présence en Angleterre. Hein, il y a des entrepôts d'Amazon et autour des entrepôts d'Amazon en Angleterre, il y a des camping-cars, des gens qui viennent faire des saisons. Donc ils sont sur le parking. Et donc là, c'est complètement négocié avec Amazon. C'est une main-d'œuvre hein, qui vient. Alors, le lien avec la Smart Cities, bah, c'est que justement, la Smart Cities, c'est beaucoup de, beaucoup de logistique urbaine, notamment, qui est censée être améliorée par le numérique. Et d'un certain point de vue, hein, Amazon représente la quintessence de la Smart Cities. C'est la firme Smart, hein, c'est censé, maintenant il y aura des drones, vous pilotez ce que vous voulez par Internet, c'est censé être très très bien. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc ça fait partie de la Smart Cities. La Smart Cities, c'est une nouvelle forme hein, technologique et très aimée par les élus actuels et les gouvernants actuels, des utopies de villes imaginaires de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle. Alors ça, c'est une image hein, d'une des utopies des années 60 qui s'appelait Walking Cities. Hein, donc c'était la ville qui se déplaçait. Hein, donc c'était des trucs assez délirants, des vrais trucs de science-fiction. Et ben la Smart Cities, en fait, c'est la continuation de ça. C'est la vision d'une espèce d'utopie technologique hein, qui serait réalisable actuellement. Alors, parmi les Smart Cities les plus connues, parce qu'elles ont besoin de faire beaucoup de marketing, parce que ça coûte très cher, et donc il y a une concurrence pour l'attractivité des fonds, eh bien, il y a Songdo, hein, qui est en Corée, en Corée du Sud, et qui est une Smart Cities, qui est en fait un objet complètement planifié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces villes sont des villes planifiées. Hein, les premiers théoriciens de la Smart Cities, c'est Michael Batis, c'est des mecs qui viennent de la planification urbaine, plutôt de gauche, socialiste, hein, qui pensent que si on laisse la ville au pur jeu du marché, ça va être un enfer capitaliste, qui avait des préoccupations sociales, et ils ont évolué vers ça. Donc leur idée, c'est on va faire des villes complètement construites autour du numérique, hein, et c'est censé régler tous les problèmes de la ville. Les problèmes écologiques, les problèmes donc de gestion des déchets, de logistique urbaine, de surveillance et de soins pour les personnes âgées, parce que la Smart Cities, hein, on aurait par exemple des caméras dans la maison, et vous êtes âgé, ben, vous pouvez avoir une consultation à domicile, hein, et même à la limite, il y a des capteurs, et la maison sait que vous ne prenez pas vos médicaments. Donc, elle vous rappelle, vous tombez, tout de suite, l'hôpital arrive, il y a des gens qui viennent vous soigner. Hein, donc, c'est cette idée qu'on va être complètement pris dans un truc super technologique. Alors, là, vous voyez, c'est Cisco, hein, qui est une des entreprises privées qui est au cœur de la ville de Songdo. Alors, ça, c'est une des représentations de la Smart Cities. Moi, j'aime bien, parce que d'abord, ça ressemble un peu à ce que nous montrait... Stani sur l'île La Croix, là, vous voyez, c'est l'île La Croix dans la Smart Cities, là, vous voyez, on a les bateaux, le chemin de fer est à côté, mais alors on voit qu'il y a un champ d'éoliennes, c'est vachement bien, les petits détaillons sont très smart, hein. On vous explique que tout ça va fonctionner avec du super numérique. Voilà, alors, vous allez me dire, bon, effectivement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous voyez, donc la Smart Cities, en fait, ça reprendrait les promoteurs de la Smart Cities. Ils ont tendance à dire tout ce que les associations reprochent au monde contemporain, hein, y compris l'agriculture qui n'est pas bien, la pollution, tous les problèmes. On va les régler grâce au numérique. On va construire des villes intelligentes. Hein, avec des internets, et dans lequel tout, des utopies technologiques, hein, et dans lequel tout ça va être réglé. Donc il y a une mobilité smart, tout est smart, tout est intelligent, voilà. Et à la limite, on peut être con et habiter dans la Smart Cities, c'est pas grave, parce que la Smart Cities est intelligent à votre place, quoi. Alors, bon, le problème de tout ça, vous en doutez, c'est qu'en fait, évidemment, ça marche pas si bien que ça, hein. Alors Songdo, par exemple, la ville coréenne, on ne sait pas exactement combien il y a de gens qui habitent dedans, beaucoup moins que ce qui était prévu. Oui, elle existe. Hein. Il y aurait 20 000 résidents permanents, et puis il y a des gens qu'on appelle les travailleurs de Songdo, et on ne sait pas où ils habitent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la Smart City, c'est une machine d'asségrégation urbaine, puissance, tout ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, la vraie Smart City, elle sélectionnerait des habitants qui seraient des habitants valables, intelligents et capables d'habiter dedans. En fait, surtout des habitants riches, quoi. Et en fait, c'est censé ne pas être polluant, mais en fait, la construction de Songdo, c'est sur un polder, donc déjà, c'est une catastrophe écologique en soi. Ça a utilisé des tonnes de matériel. Et puis surtout, on s'aperçoit que derrière la Smart City, c'est comme dans les entrepôts d'Amazon, eh bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui circulent et qui, en fait, et en fait, la Smart City, c'est eux, quoi. Et c'est des gens qui sont notamment dans des systèmes d'habitat non ordinaire. Bon, on en construit beaucoup en Asie. Alors, c'est pas un hasard, puisque ça a commencé après la grande crise du sud-est asiatique en 98, hein, puisque c'est une façon d'essayer de relancer le moteur de la croissance. Savoir que tout ça se construit avec des millions de travailleurs mobiles, hein, qui sont logés dans des squats, dans des camions, n'importe où, hein, c'est les fameux Mingong. En Chine, il y a 180 millions de travailleurs migrants intérieurs à la Chine, hein, qui en fait sont logés dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'en fait, sont de fait dans des habitats non ordinaires et des habitats nomades. Et ça, c'est tout ce qui est derrière la Smart Cities. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que... Donc on a toujours des questions sur, notamment, il y a une certaine désillusion, hein, même en Corée, on a l'impression que tout ça, finalement, en tout cas, ça ne règle aucun problème social, ça les aggrave même, et il est probable que ça ne règle pas tant que ça les problèmes écologiques. Alors ce qui est intéressant par ailleurs, c'est de voir qu'au fond, la Smart Cities, donc c'était un peu pour l'Asie, puis ça redémarre en Europe et aux États-Unis, bien sûr, après la crise des subprimes, parce qu'il faut trouver un nouveau moteur. Et donc, il y a l'idée, on va faire des smart cities. Alors, il y en a de prévus partout. Alors, il y a la grande question, c'est est-ce qu'on va créer des villes nouvelles comme les Asiatiques, ou est-ce qu'on va rendre smart les villes déjà anciennes ? C'est-à-dire que Bruxelles va devenir une smart city. Ça fait partie de la nouvelle communication de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on va implanter du numérique partout et ça va régler tous les problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les chiffres, vous voyez, ça, c'est l'évolution du travail temporaire aux États-Unis de 2000 à 2013. Alors, vous voyez qu'en fait, ça fluctue. Bon, ça, c'est normal. Puis, il y a une grande diminution à partir de 2008, 2009, 2010. Pourquoi ? Parce que c'est la crise. Et quand une crise commence, eh bien, les premiers emplois qui sont perdus, c'est les emplois temporaires. Et en même temps, c'est curieux, c'est en 2010 que Amazon lance son programme Camper Force. Et c'est à partir de 2010 que les Américains vont inventer un nouveau mot qui s'appelle Work Camper. Hein, parce qu'eux, ils font des acronymes, quoi. Enfin, pas des acronymes, mais des mots valises. Work Campers, hein, ça s'écrit comme Work, et puis on met Campers. Alors, donc... Alors qu'il y a moins de travailleurs intérimaires, à ce moment-là, ce nouveau mot apparaît. C'est-à-dire qu'il est possible que la part des travailleurs mobiles a augmenté, hein, quand la part du travail temporaire, en général, a diminué. Mais la part des travailleurs mobiles a probablement augmenté. On sait pas Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même problème qu'on a en France. On ne sait pas combien il y en a. Il n'y a aucune statistique officielle. Pour Amazon, on ne sait pas. Hein, combien il en emploie, et ils ne le disent pas parce qu'ils considèrent que c'est une donnée confidentielle. Il y a une étude qui a été faite en 2011 qui avait recensé 750 000 work campers aux États-Unis, c'est-à-dire donc work campers purs, hein, c'est-à-dire personnes qui vivent dans des camping-cars et qui se déplacent pour trouver du travail aux États-Unis et qui sont en général des retraités, dont souvent la première motivation est de payer leurs soins ou les soins de santé d'un de leurs conjoints ou de quelqu'un de leur famille. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc ça devient une main-d'œuvre. Et c'est elle qui est derrière la main-d'œuvre smart, quoi. Et en fait, eux, ils ont le mot, c'est work camper, quoi. Ils ont. Ça peut d'ailleurs, au passage, hein, montrer que il y a le discours officiel et puis il y a tout l'envers du discours. Hein. Alors ça, c'est une statistique officielle américaine que vous connaissez peut-être. Enfin, je pense que ceux qui s'intéressent à l'économie en ont peut-être entendu parler. C'est le SNAP. Supplemental Nutrition Assistant Program. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, aux États-Unis, une partie de la politique sociale se fait via l'octroi de bons alimentaires, qu'on appelle food stamps, ou SNAP, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vous recevez soit des bons, soit une carte de crédit spéciale qui ne sert à acheter que de la nourriture dans des supermarchés ou dans des grands, voire parfois dans certains marchés. Alors la question qui est évidemment fascinante, c'est celle-ci. Hein. En 2012, il y a 46 millions d'Américains qui mangent grâce aux bons d'alimentation. Une paille, quoi. Ce qui doit faire de l'économie américaine la plus grande économie planifiée au monde, hein, en vérité. Ça. Ouais, ouais, ils sont... Et ils mangent... ouais, mais... Oui, mais c'est pas le même système. C'est parce que là, c'est vraiment un système planifié, parce qu'en fait, on donne pas de fric, on te donne des bons d'alimentation. Alors, en France aussi, il y a beaucoup de gens, hein, je veux dire, qui touchent. Et puis en plus, les allocations familiales, c'est pas toujours conditionné au revenu. Le SNAP, si. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toucher ces bons, alors qu'il y a 46 millions de personnes qui les touchent, hein, les conditions d'éligibilité sont strictes et sont de plus en plus sévères. Et ça n'empêche pas que le nombre augmente. Hein, notamment, par exemple, si l'équivalent américain de Pôle emploi dit que vous n'essayez pas vraiment de trouver du travail, eh ben, on vous retire les bons d'alimentation. Hein, donc en plus, les bons d'alimentation, ils ne les donnent pas comme ça, mais ils en donnent quand même beaucoup. Hein. Et il y a toute une série de mesures. Alors évidemment, les étrangers, c'est difficile. Enfin, il faut qu'ils soient, s'ils peuvent prouver qu'ils sont depuis 5 ans légalement aux États-Unis, ils y ont droit. Mais, mais sinon, non, etc., etc. Donc, c'est quand même très restreint. Et vous voyez que tout ça monte au même moment où Amazon, en fait, lance son programme Camper Force. Donc, on a bien l'impression qu'il y a une bascule. Il y a moins de travailleurs temporaires. Donc, les gens ont moins d'argent. C'est aussi pour ça que le nombre de bénéficiaires de ces trucs augmente. Mais la part de ceux qui bossent et qui doivent travailler de manière mobile, hein, ne cesse d'augmenter. Alors du coup, il y a même des manuels, hein, parce que là, on parlait des fiches. Alors ça, c'est la version capitaliste. Hein. C'est « So you want to be a work camper ?» Donc c'est le guide du, c'est le guide pour ceux qui veulent devenir workcamper. Ou vous voyez, ça c'est RV. Alors RV, c'est recreational vehicle, c'est donc les camping-cars. Retirement, hein, c'est le camping-car pour retraités, mode de vie. Mais là, ça explique comment trouver du boulot. Ouais. Donc il y a un grand site hein, internet qui s'appelle Workcamper, Workcamping, qui est en fait spécialisé dans le quand tu dis quand Charlotte disait en rigolant, Alem va devenir numéro un. Dans l'insertion pour l'emploi, en fait, aux États-Unis, il y a déjà Workcamping qui fait ça, en fait, hein, qui recense toutes les offres d'emploi. Comment ? Comment ? Alors bah, c'est dingue, il tape sur Échelle Inconnue, tout le monde se marre, c'est fou, il dit un truc sur Alem. Et... Mais je tape pas sur Échelle Inconnue, ouais, ni sur Alem. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que on a la version, ce que je veux dire, c'est que on développe nos réflexions et nos outils critiques et nos images, mais il faut bien voir que finalement, les capitalistes sont en train, de, pour le dire franchement, de faire la même chose aux États-Unis. Et eux aussi, ils le font. Et Amazon, il a très bien compris et ils y vont carrément. Quoi. Et là, ils ont dit qu'évidemment, aux États-Unis, c'est toujours un peu plus visible et plus clair, mais en général, ça finit par arriver. Bon, par exemple, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais là, tu disais hier, en Allemagne, il y a les wagons bourg, c'est beaucoup plus accepté qu'en France. Il faut savoir que Amazon a 10 000 salariés stables en Allemagne et 10 000 saisonniers. Donc les saisonniers d'Amazon, ça existe en Allemagne. Et probablement, ils sont sur les wagons bourg, quoi. Parce qu'en fait, toi, ça, là, ça marche bien. Quoi. Donc en fait, c'est bien une réalité. Donc on est face à des choses qui sont émergentes. Alors, il y a probablement un turnover assez important. Alors, juste pour revenir, ça c'est des choses que j'avais déjà faites dans LM. Hein. Quelle est la situation en France difficile à estimer. Moi j'avais essayé de travailler à partir des statistiques de chiffre d'affaires des laveries automatiques et pour voir leur progression. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, j'étais arrivé à un truc bizarre, c'est que l'activité des laveries automatiques suit de manière très précise la progression du travail intérimaire en France, de 1995 à 2007. Puis après, ça décroche, tout simplement parce que le travail temporaire en France diminue avec la crise, mais là, les laveries automatiques continuent avoir une progression d'activité. Mais du coup, ça pourrait très bien s'expliquer, finalement, dans les travails temporaires qui restent en France, la part de ceux qui sont mobiles, et donc utilisent notamment des laveries automatiques, a augmenté. Je pense que ça se joue de cette façon-là. Donc il y a bien une évolution du même ordre. Alors, moi, j'en étais arrivé à l'idée que si je m'en tenais aux laveries automatiques, je pouvais estimer que les personnes en déplacement, hein, continuaient... La part de ceux qui ont recours à ces services-là, parce qu'ils sont en déplacement et qu'ils n'ont pas d'autre solution, eh bien, cette population a doublé en 20 ans, de 1995 à 2005. Elle a à peu près doublé, et je pense qu'elle continue à augmenter. Et c'est des chiffres qui sont compatibles avec ce qu'on a, par exemple, hein, sur les saisonniers du ski, puisque les saisonniers itinérants dans les Alpes, leur chiffre précis, on sait qu'il a doublé en 20 ans. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc du coup, ça a doublé en 20 ans et ça peut redoubler en 10 ans ou en 5 ans puisque aux États-Unis, hein, les évolutions ont été très très rapides à partir de 2010. Alors, pour revenir, donc autrement dit, l'idée c'est de dire la ville planifiée, la ville smart, en fait ce qu'elle dissimule, c'est beaucoup de gens qui sont en habitat non ordinaire et qui la font tourner. Voilà. Alors, par rapport à l'idée de ville planifiée ou de la smart cities, moi je pense qu'il y a quelque chose qui nous concerne aussi. C'est l'idée au fond que derrière ça, il y a aussi cette idée que le grand modèle d'intégration à l'entreprise, il est un peu terminé. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui produit la richesse, qui la coordonne en ce moment, ce serait les métropoles hein, plutôt que les entreprises. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le véritable acteur capitaliste en ce moment, c'est la métropole. Plus que les grandes entreprises. Parce qu'on passe d'une entreprise à l'autre, hein, c'est l'attractivité du territoire, c'est l'excellence du branchement numérique, et tout ça, c'est le territoire qui est devenu productif. là où, et ça c'est la version capitaliste, si vous voulez, mais au fond, il me semble que les gens d'Alem, les gens qu'on côtoie, au fond, on dit aussi quelque chose du même ordre. Hein. Finalement, on pense le travail et nos vies en dehors de la simple intégration à l'entreprise. On suppose bien qu'il y a quelque chose qui se produit, y compris du nouveau qui se produit, qui est pas dans les, qui ne se produit pas dans les anciennes catégories. Voilà. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on est, si un vieux truc des luttes sociales, on n'est pas d'accord évidemment avec la vision qu'Amazon a de ça, la façon dont Amazon en fait est en train de capter hein, littéralement la mobilité des retraités en camping-car, parce qu'il est pas, parce qu'évidemment il y a beaucoup de vidéos aussi qui se trouvent sur YouTube où les gens racontent combien c'est extrêmement dur de travailler pour Amazon. Et puis en fait c'est très mal payé aussi. Hein. Donc c'est vraiment une espèce d'exploitation d'une main-d'œuvre mobile. Mais en même temps, finalement, on comprend des évolutions, ce qui se disait hier, qui vont plus vite que le droit. D'un certain point de vue, il faut bien voir que nos amis capitalistes, eux aussi, ils voient les mêmes choses que nous, ils les comprennent comme nous. On n'est pas d'accord, mais ils ont bien compris le mouvement aussi. Hein, donc, ils ont l'intention de que ça soit leur forme à eux qui prédomine sur les formes que nous on envisage. Voilà. Oui, bien sûr. Et tout vient de l'habitat. Oui, absolument. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui est souvent... par exemple, tous les gens qui étudient la finance, ils ont tendance à oublier en ce moment que le déclenchement de la crise, effectivement, c'est la crise urbaine américaine. Parce que même la question de savoir pourquoi on a autorisé les subprimes, c'était aussi parce que c'était une façon de régler des problèmes urbains. Hein, on pensait que les gens allaient devenir propriétaires et ils allaient s'enrichir avec cette merveille des crédits hypothécaires à taux variable. Évidemment, ça a tout explosé. Mais oui, l'origine, c'est une crise urbaine. Et d'ailleurs, au passage, on en parle peu, il faut savoir que le nombre des expulsions aux États-Unis n'est pas redevenu normal. Hein. Il continue à y avoir beaucoup, beaucoup d'expulsions aux États-Unis. Et il y a une firme spécialisée, j'en avais peut-être parlé, c'était dans un autre lieu, aux États-Unis, qui s'appelle, alors oui, c'est un peu comme à Alem, si on veut, qui s'appelle, alors c'est une firme privée, mais qui aide les gens, et ça s'appelle You Move Away, enfin barrez-vous, quoi. Et en gros, leur truc, c'est que ils proposent un calcul entre ce que te coûte ta maison, et tout ce que tu dois rembourser le subprime, c'est la valeur réelle sur le marché. Et si effectivement ce que tu dois encore est plus cher que la valeur réelle pas la valeur réelle, mais la valeur marchande du bien, si tu le vendais, ils disent bah arrêtez de payer et tirez-vous quoi. Et eux en fait, ce qu'ils font, c'est que ils règlent tous les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent aux gens vous barrez, vous disparaissez, donc vous payez plus vos crédits subprimes, vos prêts et vos hypothécaires, vous barrez. La banque se démerdera, elle vendra la maison, elle se démerde, elle se paye avec, vous vous tirez, vous arrêtez de payer. Et nous, on va se débrouiller pour faire tellement de recours juridiques que la banque va finir par arrêter de vous poursuivre, parce qu'au bout de 2-3 ans, elle va vendre la baraque, et puis elle en aura plein d'autres, vous courir après. Quoi. Et il y a des milliers de personnes qui ont recours au service de You Move Away, ou Move Away. Et alors le signal, leur logo, j'aurais dû le mettre, c'est très rigolo parce que c'est l'inverse de tous les logos d'immobilier. C'est-à-dire que les logos habituels des agences d'immobilier, c'est des gens qui rentrent dans une maison et leur logo, c'est des gens qui se tirent d'une maison en courant. Quoi. C'est mauvais, ouais, quoi. Tirez-vous. Et à un moment, c'est tellement une question d'honneur de pouvoir assumer ses dettes, que ce soit vis-à-vis de la mafia, enfin, quelle qu'elle soit, en fait, qu'il y a des filières d'évasion, quoi. Tu disparais complètement. Parce qu'en plus, au Japon, il y a un truc qui n'existe. Au Japon, il y a quelque chose que le droit permet, qui n'existe pas chez nous. C'est en fait, c'est une espèce de deal. Tu ne peux pas payer tes dettes. Tu ne veux pas que ta famille... que ta famille ait trop d'embêtements. Donc en fait, il y a une histoire dans laquelle tu divorces. Ou plutôt tu transfères les biens à ton épouse et aux enfants, enfin à la maison, quoi, parce que c'est que ça. Et puis toi, en contrepartie, tu as une espèce de mort sociale. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une faillite personnelle, et toi, tu deviens un anonyme, un clochard de Yoseba. Quoi. Et ça, juridiquement, c'est possible au Japon. Il y a une espèce de deal comme ça. Quoi. C'est-à-dire que tu sauves ta famille, mais et puis toi, bah, tu te sacrifies, voilà, et tu te sacrifies en devenant un anonyme, un journalier, voilà, etc., et un invisible. Ouais. Alors les gens changent de nom, et en général, ils prennent des noms de politiciens corrompus. C'est-à-dire qu'ils se font appeler Jacques Chirac, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, Cahuzac, en général par dérision, parce que les Japonais, ils sont pas si ils sont loin d'être aussi adorateurs de leur système que ce que nous avons dû à l'époque. Et donc, par moquerie, ces journaliers prennent ces noms-là, ils prennent des noms de politiciens corrompus. Rencontre alors avec un monsieur qui s'appelle Diwei. C'est ça, Diwei. C'est rigolo, comme c'est un surnom qu'on te donne ou... Voilà, alors c'est un surnom que je traîne depuis que je suis adolescent. Comme je parle pas beaucoup, je m'exprime beaucoup en disant ouais. Voilà, d'où le surnom de Diwei. D'accord. Et c'est... Ben voilà, j'ai dans les mains un métier d'avenir, petit guide pratique du parfait SDF. Hein, une petite pièce pour vivre un jour de plus, s'il vous plaît. Voilà. L'idée, c'est de te rencontrer, Diwei, avec ce bouquin. C'est grâce à toi qu'il existe, qu'il est là. Comment démarrait la chose peut-être, comment ça se fait que ce bouquin est né, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, quoi? Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire du livre. À la base, il y avait un collectif d'illustrateurs et de dessinateurs dont je faisais partie, qui s'appelait Les Moutons Noirs. On a créé ce collectif pour soutenir une association qui défendait les victimes d'inceste et de pédocriminalité. Et on a fait un premier bouquin ensemble sur ce sujet-là, donc sur l'inceste, dont le but c'était, à l'aide du dessin, d'essayer de discuter de ce sujet qui est très difficile. Et de briser un peu les clichés sur le sujet, et d'enlever un peu les tabous. Et on a cherché donc ensuite un éditeur pour éditer ce bouquin, ce qui n'a pas été chose facile. Et donc c'est la maison d'édition Les Points sur les I, qui est une petite maison d'édition militante parisienne, qui publie beaucoup de choses sur des sujets de société, qui a accepté de publier ce bouquin, donc, qui s'appelle « Rien vu, rien entendu » sur l'inceste et la pédocriminalité, donc, où il y a beaucoup de dessins très différents, donc certains un peu trash, d'autres un peu plus subtils, et, voilà, il y a un peu de tout. Et voilà, mais c'est un bouquin un peu imparfait, mais qui a le mérite de faire parler du sujet. Et c'est un bouquin donc, qui a eu un petit succès pour cette maison d'édition. Et donc, suite à ça, l'éditeur a voulu lancer une collection un peu dans le même esprit, donc, qui s'appelle la collection Les Moutons Noirs, dont fait partie le bouquin Un métier d'avenir. Et donc, il a édité une charte graphique un peu précise pour cette collection. L'idée, c'est d'avoir à peu près 50% de texte, 50% de dessin pour parler d'un sujet de société. Et voilà, suite à ça, chaque dessinateur du collectif de base pouvait proposer un thème. Et si l'éditeur était d'accord pour parler de ce thème, on était parti quoi pour l'aventure. Donc moi j'ai choisi de parler des SDF et des problèmes de logement en général. Ça va me donner l'occasion un peu de me présenter. Moi à la base j'ai fait des études d'architecture, donc du coup tout ce qui touche la ville et tous les problèmes urbains en général, c'est des choses qui m'intéressent. Précisons que c'est à Rouen, hein. Voilà. Tu fais des études à Rouen en France. C'est ça, ouais. J'ai fait mes études à Rouen. Et donc voilà, j'ai proposé ce sujet qui a été accepté et c'est comme ça que l'idée du bouquin est née. Mais j'ai coupé ta présentation parce que tu te disais que tu étais étudiant en architecture à Rouen et puis, excuse-moi, mais je vois pas vraiment le lien entre architecture et un métier d'avenir, petit guide pratique du parfait SDF. Oui, tu dis que tu es sensible à la notion de logement. Mais comment est-ce que, tu sais, les architectes, hein, y a plein de sortes d'architectes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, bah, ta fibre, alors, elle est plutôt du côté de la rue. Ça, je ne saurais pas exactement l'expliquer. C'est un sujet voilà, qui me touche depuis assez longtemps. Voilà. La rue. La rue. J'ai traîné pas mal aussi dans les milieux un peu punk, dans les squats et tout ça. Donc c'est un sujet voilà qui me touche aussi plus personnellement quoi. Mais je saurais pas vraiment l'expliquer. C'est dommage ça. Non, tu peux pas vraiment expliquer comment ça se fait que ces endroits-là t'intéressent plus que d'autres, par exemple, de regarder un petit peu ton histoire aussi. Parce que bon, quand on dit qu'on est architecte, souvent, c'est quand même bien catalogué, tu sais, architecte, c'est travailler pour faire des maisons. Quand tu regardes les maisons aujourd'hui, c'est bof, hein, tu vois, c'est aussi pour quel genre d'architecture. Alors, en parallèle, c'est vrai qu'il y a Échelle Inconnue ici, donc c'est déjà toute une bande qui essaye de repenser l'espace, l'environnement autrement. Je suppose que tu as fait le lien aussi... vers eux, je ne sais pas si tu les connais. Oui, je les connais, oui. Oui, je les ai rencontrés il y a quelques années quand mon bouquin est sorti. J'avais présenté mon bouquin chez eux aussi. Alors, c'est vrai que j'ai fait des études d'architecture, hein, je ne suis pas devenu architecte. Donc voilà, peut-être qu'il y a une piste par là. Et pourquoi ? Parce que justement, voilà, il y a des choses qui m'ont déplu dans le côté un peu trop... parfois juridique du rôle de l'architecte, un peu trop financier aussi, ou toutes ces choses-là. Voilà, moi je suis rentré plutôt dans l'école d'architecture pour le côté un peu artistique à la base. Et les études avançant, c'est vrai que ça devient beaucoup plus concret, et le côté concret voilà, m'allait beaucoup moins. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai fait mes études d'archi. Ensuite, j'ai travaillé en agence, mais plus comme graphiste, pour faire des images en 3D pour montrer les projets. Et puis là, depuis quelques années, je suis graphiste à mon compte. Et donc là, je continue un peu à travailler avec des architectes. Je fais un peu de graphisme conventionnel pour des entreprises. Et puis, j'essaye de faire du dessin et de vendre un peu ce que je fais en dessin. Voilà. D'accord, ça c'est pour la petite présentation, mais allez, ton livre en fait, qu'est-ce que ça raconte ? Donc il y a du texte et des dessins. C'est quoi l'histoire en fait ? Si tu peux nous raconter ça. En fait, tu sais, les gens auront envie de le lire, ça n'empêche rien, hein, mais c'est quoi le contenu du... Qu'est-ce que ça raconte ? Parce que moi j'ai pas pu lire évidemment, parce qu'on se rencontre hier et voilà, j'ai pas... Alors l'idée c'était d'essayer d'aborder l'ensemble des problèmes qui touchent le logement. À partir du moment où on va commencer à avoir des problèmes pour payer son loyer, par exemple, et jusqu'au moment où on va se retrouver à la rue. Donc je suis parti pour essayer de faire ce bouquin des rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre, donc qui sont des rapports assez détaillés, enfin c'est un pavé assez conséquent avec énormément de chiffres et de statistiques. Et l'idée, c'était à partir de là d'essayer de faire un bouquin qui soit beaucoup plus accessible. Voilà, sur un ton un peu plus léger, et d'essayer, voilà, pour toucher un maximum de monde, de parler du logement dans son ensemble. Et donc, voilà, avec la charte de la collection qui était moitié dessin et moitié texte, ce qui permettait, voilà, avec les dessins d'avoir une touche un peu d'humour et... d'aborder le sujet de manière légère, de cette façon-là, avec le dessin. C'est toujours un peu plus facile quand c'est dessiné. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, voilà, qui le feuillettent, le bouquin, qui ne lisent pas forcément tous les textes, mais qui regardent les dessins, qui ont souvent un sourire, parfois un peu jaune ou grinçant, mais du coup, voilà, ils ont vu de quoi ça parlait, ils ont peut-être réfléchi à un sujet auquel ils n'avaient jamais pensé. Donc voilà, c'est un peu le but du bouquin. Et quoi, donc c'est une personne qui se retrouve sans logement, qui se retrouve dans la rue. C'est comme ça que tu as abordé le sujet, parce que moi je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Le bouquin se divise en trois parties. La première partie va concerner les problèmes de logement quand on a encore un logement. Donc, comme je disais, ça a commencé quand on va avoir du mal à payer son loyer, quand on va plus pouvoir se chauffer, quand on va devoir choisir entre aller chez le médecin ou payer sa facture d'électricité, voilà, des choses comme ça. Des choses très concrètes, en fait, c'est bien ça. Oui, oui, c'est très concret, c'est pas du tout conceptuel. C'est vrai que ça marche comme ça. Hein. Voilà. Ce que je disais, voilà, j'ai essayé de dégager par rapport au rapport de la Fondation Abbé Pierre, voilà, des problèmes qui peuvent parler un peu à tout le monde, qui sont très concrets, très précis. Et qui peuvent être compréhensibles comme ça, voilà, en quelques secondes, on comprend de quoi ça parle. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui va concerner les gens une fois qu'ils ont perdu leur logement et toutes les solutions alternatives qu'on va pouvoir trouver à ce moment-là. Donc, ça va commencer par exemple par retourner chez ses parents. Quand on en a. Quand on en a, ou chez des amis, ou voilà, aller squatter chez des gens qu'on connaît. Et puis après, voilà, ça peut être aussi les gens qui vont vivre en camping, en caravane, ou sous une tente, etc. Enfin, toutes les solutions qu'on peut trouver comme alternative au logement. Et puis la troisième partie parle du moment où on se retrouve vraiment à la rue, où on n'a plus rien, et on va commencer à rentrer dans le cycle, voilà, des aides qu'on peut nous proposer, les hébergements d'urgence, les hébergements de jour, etc. Et tout ce qui concerne ce sujet-là. Voilà. Et donc, il y a comme ça une espèce... ça raconte quand même une petite histoire. Voilà, on part du fait qu'on a encore un logement et petit à petit, on dégringole vers la rue et tout ça, mais c'est aussi un bouquin qui peut se prendre, qui peut se lire dans tous les sens. On peut regarder, voilà, un sujet, un autre, sans que ça soit gênant. L'histoire se termine bien. Il n'y a pas de fin. Voilà, il n'y a pas de fin. Je sais pas si ça se termine bien, mais c'est quoi là? Il y a toujours, quand on raconte une histoire, on a toujours une intention quand même. Qu'est-ce que, au bout du bout, ça raconte quoi au bout du bout? Parce que là, tu as expliqué, ok, c'est. Mais quoi, c'est positif, c'est négatif, qu'est-ce qu'il en ressort au fond? C'était quoi que tu avais envie de faire passer comme message en faisant ce bouquin? Bah, l'idée, c'était quand même d'être un peu dénonciateur de la situation. Donc le message final, s'il y a une conclusion, elle n'est pas très positive quand même, puisque je pense que je finis par dire que voilà, les pouvoirs publics ne font pas forcément leur boulot comme il faut, vu qu'il y a encore des gens dans la rue et que c'est très dur de vivre dans la rue. Donc voilà, le message n'est pas très positif au final. Mais je pense que voilà, avec tous les petits dessins qu'il y a dans le petit bouquin, ça passe un peu mieux. Ouais, c'est des dessins humoristiques, un peu cyniques, non voilà. Pas... C'est ça, des dessins un peu humoristiques et cyniques. Le texte aussi à côté, j'ai essayé qu'il ait un ton comme ça aussi, un petit peu léger, cynique. Je peux vous décrire un dessin, par exemple, pour vous donner un exemple. Donc là, on a un dessin qui est tout au début du bouquin, où on voit une femme alitée dans son lit, qui est malade, avec un thermomètre dans la bouche, et puis le médecin qui est à côté, qui vient la voir. Et elle lui demande « C'est grave, docteur ?» Et le médecin répond « Va falloir être forte, madame, je crains que vous ne souffriez de mal logement. » C'est un peu le ton du livre. T'en trouves une autre ? Voilà, par exemple, le premier chapitre qui s'appelle « Marchand de sommeil » et qui parle du fait qu'on peut avoir beaucoup de mal à trouver un logement aujourd'hui. C'est très compliqué. Il faut avoir des dossiers béton, il faut avoir de l'argent, etc. Et donc, le petit dessin pour expliquer ce problème... On voit donc un dessin d'une agence immobilière de l'extérieur avec une bulle qui dit « Alors voyons votre dossier, vous êtes un couple hétérosexuel, tous les deux en CDI, vous gagnez plus de 3 fois le montant du loyer et avez chacun un garant, vous êtes non-fumeur, vous n'avez pas d'animaux, vous n'envisagez pas d'avoir d'enfants dans l'immédiat, vous êtes tous deux d'origine française, jusque-là tout va bien, par contre, vous monsieur, je vois que vous chaussez du 48 et ça je ne pense pas que ça va passer auprès du propriétaire, je suis désolé. » Voilà. Voilà, donc pour dénoncer un peu le... L'abus du propriétaire ? Ouais, l'abus du propriétaire, des agences, des exigences qu'on a de plus en plus pour pouvoir louer des biens. Voilà, après, je parle aussi un peu du fait que une fois qu'on a un logement social, par exemple... qui peut être donc une solution pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on parle souvent du fait que c'est très difficile d'avoir accès à un logement social. mais on parle assez peu souvent du fait que c'est difficile d'en sortir. Et il y a par exemple un palier qui est assez dur à franchir entre les loyers forcément des logements sociaux et des logements privés. Et donc du coup, à partir du moment où on veut déménager, partir d'un logement social en banlieue, ça devient très compliqué. Mais pourquoi, enfin, pourquoi on partirait d'un logement social pour aller dans un logement plus normal ou plus traditionnel, comment on dit ? Oui, d'un logement privé, d'un logement, oui. D'un logement privé alors que votre loyer est vachement moins cher quand vous êtes dans un logement social. J'imagine que votre vie va pas changer du jour au lendemain comme ça, vous n'allez pas avoir enfin. D'abord, comment on arrive à un logement social ? J'imagine que c'est en fonction des revenus, de la situation familiale. Oui, tu y connais un peu là-dedans ? Je suis pas spécialiste de la question, mais oui, pour avoir un logement social, on remplit un dossier, donc qui dépend des revenus, qui dépend si on est tout seul en couple avec des enfants. Donc plus on est nombreux, plus c'est facile. Et, d'avoir un logement ? D'avoir un logement social. Et voilà, ensuite, il y a un temps d'attente qui est assez long en fonction des villes dans lesquelles on se trouve. Mais par exemple, on peut avoir un accès à un logement social étant au chômage, n'ayant pas beaucoup de revenus, et puis on peut trouver un emploi. Mais et puis pour cet emploi, on peut avoir besoin de déménager. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que même si on a un emploi, on ne va pas être payé forcément beaucoup. Et quitter son logement social où on paye très peu de loyer pour aller dans un logement qui peut être par exemple en centre-ville, qui va être très cher, ça peut être très compliqué. Donc... voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ce bouquin, essayer voilà, comme ça de parler de quelques points dont on ne parle pas souvent et d'essayer d'un peu d'aller au-delà des clichés qu'on a tous sur le sujet des problèmes de logement et des SDF. Quoi. Voilà, et donc le petit dessin que j'ai fait pour illustrer cette chose-là, c'est... on voit des immeubles d'HLM un peu de cité qui sont encerclés par un mur sur lequel on a tagué Help. L'idée, aidez-nous à sortir, quoi. C'est un peu le ghetto, quoi, ça. Voilà. Ça raconte aussi souvent. C'est ça. Mais dis-moi, Dee-Way, texte et illustration. Il y a une préface aussi dans ton bouquin de Virginie Alnet, comme ça qu'on dit, Alnet ? Alnet. Alnet ? Oui, Alnet. On lui dit un petit coucou quand même. Hein. C'est qui cette dame ? Tu peux un peu raconter, qu'on la mette un peu à l'avant aussi ? C'est une amie à toi ? Alors, c'est une amie à moi qui est sociologue, qui vit actuellement en Italie. Elle est plutôt spécialisée à la base dans la sociologie des religions. C'est pour ça qu'elle est partie en Italie. Mais du coup, quand je lui ai parlé du projet, c'est un thème qui la touche elle aussi. Et donc, voilà, je lui ai demandé de me filer un petit coup de main et elle a accepté de faire la préface du livre. Où, voilà, là, c'est un texte qui est un peu plus difficile d'accès, mais qui remet un peu dans le contexte. La situation du logement aujourd'hui, donc elle refait un peu l'historique des problèmes de logement, repartant voilà de l'industrialisation dans les pays occidentaux, du fait qu'il y ait beaucoup d'ouvriers qui soient arrivés dans les villes, qui se soient entassés, etc. Donc elle reparle un peu de toute cette historique-là, elle parle un peu des bidonvilles, de l'évolution des bidonvilles aujourd'hui sur la planète, et des choses comme ça, voilà, pour remettre un peu le livre dans son contexte, et puis voilà, lui donner un peu plus de légitimité par rapport à un autre public qui peut être un public voilà un peu plus cultivé et voilà. Ça existe, hein, du public cultivé? Qu'est-ce que c'est, ça, le public cultivé? Oui, il y a des gens plus ou moins cultivés. ok ouais, c'est une question. Oui, quand je dis oui, il y a des gens là on parle d'un autre sujet, parce que pour moi la culture c'est aussi la personne, enfin dans tous les milieux il y a de la culture, oui, voilà, tu vois, si, je veux dire même ceux qui savent pas lire ont une culture. Oui, tu vois, oui, je suis d'accord avec ça. Après, c'est voilà, pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on trouve dans le bouquin, d'en savoir un peu plus. Donc il y a sa petite préface et qui elle-même est annotée avec des notes qu'on peut aller voir à la fin du bouquin, qui renvoie à d'autres livres, etc. Donc c'est une façon aussi voilà, d'ouvrir vers des choses un peu plus complexes et pour les gens qui auraient envie d'aller un peu plus loin. D'accord, voilà. Ouais, pour que le bouquin soit un peu une ouverture aussi vers d'autres choses. et dit ouais, explique-moi pourquoi. Je crois que je te l'ai déjà posé, mais enfin, essaye de savoir quand même un peu pourquoi c'est, pourquoi être touché par ça, par la rue, par le fait des logements sociaux, par les gens qui se retrouvent à la rue. Pourquoi t'es touché par ça? Est-ce que t'as vécu dans la rue? Est-ce que t'as aussi eu des soucis avec du logement? Est-ce que pourquoi avoir cette fibre là? Je me pose la question. Bah comme je disais un peu tout à l'heure, moi j'ai jamais eu vraiment de problème de logement. J'ai eu parfois des petits soucis financiers, mais bon, j'ai une famille, j'ai des amis qui ont pu m'aider voilà, dans ces moments-là. Mais voilà, j'ai côtoyé aussi pas mal de gens qui vivaient dans la rue. Mais, pourquoi ? Du fait de la musique que j'écoute, et, que j'aime bien, et voilà, qui est une musique assez urbaine. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la rue, qui vivaient de la musique, qui vivaient dans des squats. Et voilà. Et puis, tout simplement, c'est une situation qui me semble injuste et insupportable. Donc, du coup, c'était aussi, voilà, quand s'est présenté l'occasion de monter cette collection et de faire un bouquin, ça m'a paru une occasion, voilà, de m'exprimer sur le sujet et peut-être de faire quelque chose, quoi. Je sais que je vais pas changer le monde, hein, mais. Arrête, si, on est capable de le faire. Si toi tu le changes, moi aussi, l'autre aussi, soyons, croyons, hein. Mais voilà, peut-être voilà, que je me suis dit, c'est une occasion de toucher un peu d'autres gens et d'essayer de faire quelque chose à mon niveau pour essayer de changer cette situation. Voilà. Je trouve que c'est génial, c'est très honorable, c'est chouette. Alors dis ouais, t'es pas très causant, hein, t'es pas très à l'aise. Hein. Et moi, j'ai pas toujours non plus des questions. Après, je voudrais dire un petit mot aussi. Il y a une deuxième personne qui m'a aidé à faire ce bouquin, qui s'appelle Céline Julien, et qui est une conseillère en économie sociale et familiale. Et voilà, donc elle m'a aidé un peu au début du bouquin, voilà, à commencer à voir un peu quel thème on pourrait aborder, etc. Et puis je lui ai montré ce que je faisais, voilà, pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises sur des sujets un peu complexes. Surtout dans la troisième partie où j'aborde plus le sujet de la rue, du fait, voilà, le premier chapitre, c'est le premier soir où on se retrouve à la rue sans rien, sans endroit où dormir, qu'est-ce qui se passe Et voilà, c'est un sujet qui est un peu plus subtil par rapport au problème de logement dans leur globalité. Et donc du coup, voilà, c'était un peu ma caution sur cette partie-là pour essayer de ne pas trop dire de bêtises et d'avoir le ton un peu juste et au bon endroit, quoi. Voilà. D'autres projets, là, en perspective ? Parce que tu disais que ça roule un peu, ton livre ? Oui, après, c'est une petite édition. Voilà, il n'y a pas énormément d'exemplaires, mais... ça va, ça se vend quand même un petit peu. Mais tu prends du plaisir à le faire, surtout, j'imagine. Oui, voilà, le but, c'est pas d'en vendre des milliers, mais voilà, j'ai pris du plaisir à le faire, je prends toujours un peu de plaisir à en parler, et puis à... Ce serait génial si en même temps, t'en vends des mille, hein. Oui, tu vois ce que je veux dire. Le but n'est pas ça, mais ce serait chouette si... Le but est plutôt de, si j'ai bien compris, de profiter de cet espace qui est un peu le livre et le dessin pour pouvoir dire des choses que tu trouves injustes, en fait. Voilà. C'est ça. Et puis voilà, sinon au niveau projet, comme je dessine pas mal, moi je fais beaucoup de fanzines, en fait. Je fais notamment partie d'une association du coin, donc qui est plus à Elbeuf par rapport à Rouen, mais avec laquelle on fait des fanzines régulièrement dans l'année, puis on fait des festivals BD, ce qui me permet aussi de vendre mon bouquin à l'occasion. Et puis voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de projet très concret. Et est-ce que tu pourrais un petit peu me décrire Rouen ? Tu habites depuis longtemps, toi, Rouen ? Moi, à l'origine, je suis de Dieppe, donc une petite ville pas loin de Rouen, sur la côte. Et puis, je suis venu à Rouen pour faire mes études. Donc oui, ça fait quelques années que je suis à Rouen. Donc Rouen, oui, c'est une ville assez sympa, une ville médiévale avec un centre historique qui est assez sympa à venir découvrir. Après, c'est une petite ville très proche de Paris, donc du coup, il se passe pas non plus énormément de choses. Souvent, on est obligé d'aller à Paris si on veut voir les choses un peu un peu intéressantes. Par exemple, on a voilà, assez peu d'expos ou de. Pareil, les gros concerts. Souvent, il faut aller à Paris ou. Tiens, en quelques mots aussi, hein, après j'arrêterai, t'inquiète, hein, je vais arrêter de torturer. Mais au niveau politique, économique, ça se passe comment si tu t'intéresses évidemment à la chose, mais c'est quoi un petit, tu pourrais un petit peu me décrire hein, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, tiens, Rouen, comment ça marche, comment les gens pensent, comment. Alors Rouen, c'est une ville de gauche, où la mairie est à gauche. Mais ça se voit pas beaucoup. Ouais, mais c'est ça, quand on parle de gauche. Voilà. Mais voilà, comme la gauche un peu d'aujourd'hui, hein, partout. Après, le centre-ville est assez bourgeois. Donc, plutôt de l'autre côté, à droite. Mais voilà, c'est une agglomération, c'est une des plus grandes agglomérations de France. Donc, le centre-ville même de Rouen est assez petit, mais ensuite, il y a énormément de petites villes aux alentours. Et dont des villes qui sont très pauvres, et il y a des villes encore communistes, très peu de villes communistes encore en France, mais il y en a encore quelques-unes. Et donc avec beaucoup d'ouvriers, beaucoup de. Ouais, ouais, il y a énormément d'usines le long de la Seine en fait. Et, il y a beaucoup de choses, il y a des. Je ne saurais pas trop en citer, il y a quelques usines de produits chimiques un peu dangereux, des choses comme ça. Il y a. Je crois qu'il y a Ferrero qui fait Nutella. Enfin, il y a pas mal de choses. Okay. Je crois que c'était en lien aussi avec le port. Oui, après, les activités portuaires, du coup, sont un peu moins présentes qu'il y a quelques années. Quoi. Les activités portuaires, je pense, sont plus déplacées sur Le Havre aujourd'hui. Et ici, c'est comment le nom de la petite île Ici, on est sur l'île La Croix, donc, voilà. Une petite île sur la Seine. Tu connais bien cet endroit? Je connais assez bien, oui, il y a la piscine juste à côté où je vais assez souvent. Il y a pas mal d'alternatives dans cette petite île ou bien je me fais une illusion comme ça Non, c'est une petite île assez tranquille. En fait, il y a quelques HLM et puis voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est parce que là, il y a un petit événement avec Alem et chez l'inconnu, ils ont monté leur petit chapiteau. Il y avait aussi une teuf hier soir. T'étais au courant de ça? T'es pas allé? Non, j'y suis pas allé. Non. Donc du coup, je me disais oui, ça doit être un petit peu alternatif. Il y a plein de choses qui se passent un peu. Non, pas du tout, pas spécialement. Là, on est en fait sur l'aire de campement où les voyageurs peuvent venir se poser avec leur camion, leur caravane ou leur camping-car. Donc c'est pour ça que la rencontre se fait ici. Eh bien, je te laisse dire un dernier mot sur tout ça, la conversation, sur même pas. Voilà, je te laisse les mots de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui vont écouter? Lisez mon bouquin, évidemment. Voilà. Hein. Mais quoi d'autre? Ou alors tu. On arrête? Oui, bon, moi, ça me paraît bien. Je pense que. Voilà, je sais pas, j'ai été assez clair sur l'explication du bouquin, j'espère. Et puis, j'espère que ça aura donné envie, voilà, quelques personnes qui vont écouter. D'aller regarder ce que j'ai fait. Un petit mot aussi, voilà, si vous voulez voir juste ce que je fais comme dessin, donc vous pouvez taper Diway sur Google ou sur Facebook, et puis vous allez tomber sur ma page et voir un peu les dessins que je fais. Voilà. Oui, c'est ça, aujourd'hui avec le net, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, c'est assez facile. Hein ouais. Exactement. Eh ben, merci de cette rencontre, Diway, un métier d'avenir, petit guide pratique du parfait SDF. Merci à toi.